Si votre coiffeur vous demande quelle radio vous écoutez, vous répondez... Radio Bonheur. C'est comme ça que je t'aime. Comme un dieu qui se meurt pour l'amour d'une reine. Un poignard dans le cœur. C'est comme ça que je t'aime. Bonjour, bonne chance, on est tous là. Bonjour. Bonjour, bonne chance, c'est là ma joie. Bonjour, bonne chance, quand tu es dans mes bras. Il y en a qui disent qu'à 60 ans, la vie commencerait vraiment. Moi je reviens qu'à 60 ans, je suis plus fatigué qu'avant. D'autres qui disent qu'à 80 ans, c'est MMS maintenant. Moi je reviens qu'avoir 20 ans, c'est bien le plus joli moment. Bonjour, bonne chance, comment ça va? Bonjour, bonne chance, on est tous là. Bonjour, bonne chance, c'est la joie. Bonjour, bonne chance, quand tu es dans mes bras. Little bit of heart and soul.

que je suis prêt. Je veux m'endormir pour toujours près d'elle. Je n'étais qu'un fou, mais par amour, elle a fait de moi un fou d'amour. Mon ciel, c'était ses yeux, sa bouche, ma vie. Chanson française. Au beau milieu de la foule d'un dimanche après-midi, au beau milieu de la foule, je le reconnais, c'est lui. Au beau milieu de la foule, de ces gens qui me sourient, parmi tous mes ennemis, c'est lui. Comment lui dire Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkle moon dust in your hair, a golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you all around. Just like long to be close to you. Just like me, they long to be close to you. You were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkle moon dust in your hair, of golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you all around. Like me, they long to be close to you. Just like me, they long to be close to you. Just like me, they long to be. Mais aussi de la guerre dans les plus grandes salles, même dans les cathédrales du bout du monde. J'ai chanté les saisons, j'ai chanté la tendresse, j'ai parlé de la trahison, mais aussi des faiblesses. Mais après toutes ces années, la seule vérité au fond de moi, je ne veux chanter que l'amour, sans artifice et sans détour. L'amour volage, déjà oublié. L'amour cœur J'ai chanté ma famille, j'ai chanté ma Provence, j'ai parlé de moi, jeune fille, et de mes espérances. Mais après toutes ces années, je n'ai rien oublié, et c'est pourquoi je ne veux chanter que l'amour, sans artifice et sans détour. L'amour belle qui veut nous blesser, l'amour. s'incliner au passage du vent.